C'est l'attaque. Wesh alors le game, en rafalant des gaines. Commence à faire du buzz et à changer des dégaines. J'viens de là où, ça pense qu'à ce ken. Sous shit la semaine, sous Jack Miel le week-end. J'ai ma petite paire de Nike Air, j'fume et j'suis die. Ça m'écoute à l'enterre et les petits dérails. Qui est j'prends la route, j'm'endors au volant. J'tourne avec les genoux, aquarium c'est affolant. Qui veut me freiner, là j'suis dans mon élan. Ça me critique à croire qu'ils veulent que j'sois insolent. Ta femme te quitte et quitte et quitte et quitte, quitte. Jésus car tu craques, craques, craques, craques, craques. Mais tu pas qu'on est quitte et quitte, quitte, quitte. Mon rap c'est ma gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. Mais dis pas qu'on est quitte, quitte, quitte, quitte, quitte. Mon rap c'est ma gratte, gratte, gratte, gratte, gratte. Pour les vrais, pour les baillants, dans les platines. Les cassos dans le bloc, dans les platines. Un opinel ou un glock, dans les platines. Interdit de soc, dans les platines. J'suis le même motherfucker, dans les platines. Que ça tourne sans casque, dans les platines. Nouveau game, nouvelle époque, dans les platines. Ma défense et l'attaque, dans les platines. Une troupe en perso, j'ai tourné le ballon. Sur l'os qu'on est des gains, moi j'ai pas le bras long. Oui j'ai le talent, donc s'opère en talent. Faut passer beaucoup son prix à mettre des talents. Pour les vrais au ballon, Green, Ponté, pour mettre la farlette à Tarascon. Gras c'est salon, fuck c'est salon. Des Schmitt qui nous font faire des slaloms. Ça vit des petits salaires, à deux sur une canette. Laisse-moi faire un cap, il est volé le Hornet. Il me voit comme un ovni, comme une comète. J'annonce mon retour et v'là les commères. Je vais te remplir, c'est une erreur, tu commets. Tu connais en comique, t'as fait all eyes on me. Comme Tony je promets, sur le canon de mon 765 chromé. Je me mets en I, du jarret à Dromel. Quand je suis pas bien, je sais qu'ils sont trop dans les platines. Les cassos dans le bloc, dans les platines. Un opinel ou un glock, dans les platines. Interdit de soc, dans les platines. Je suis le même motherfucker, dans les platines. Que ça tourne sans casque, dans les platines. Nouveau game, nouvelle époque, dans les platines. Ma défense et l'attaque, dans les platines. Niquez vos grand-mères, j'ai pas que ça à faire. Y'a du buzz à faire, mets-toi devant ma route, sur ça qui s'en va en l'air. Mais à quoi ça sert, me critiquer, regarde un peu le cul de ta sœur. T'as un sens, je me promène, à trop faire le vrai, on voit que c'est faux, man. J'ai pris du but, j'ai pas trop les abdomens. Et pour faire du but, c'est chacun son domaine. J'aurai de platine sur ta chaîne, chaîne, chaîne. Je me fais blanc platine pour ta chaîne, chaîne, chaîne. Tu te retournes à agir dans la NNN. Mais je reste agile, ils me font de la peine, peine, peine. J'aurai de platine sur ta chaîne, chaîne, chaîne. Je me fais blanc platine pour ta chaîne, chaîne, chaîne. Tu te retournes à agir dans la NNN. Mais je reste agile, ils me font de la peine, peine, peine. J'aurai de platine sur ta chaîne, chaîne, chaîne. Je me fais blanc platine pour ta chaîne, chaîne, chaîne. Défense et l'attaque, tac. Pour les vrais, pour les vaillants, dans les platines. Les cassos dans le bloc, dans les platines. Un opinel ou un glock, dans les platines. Interdit de soc, dans les platines. J'suis le même motherfucker, dans les platines. Que ça tourne sans casque, dans les platines. Nouveau game, nouvelle époque, dans les platines. Ma défense et l'attaque, dans les platines. Niquez vos grand-mères, j'ai pas que ça à faire. Y'a du buzz à faire, mets-toi devant ma route, sur ça qui s'en va en l'air. Mais à quoi ça sert? Me critiquer, regarde un peu le cul de ta sœur.